Il est au sommet de l'arbre, il siffle un air que je ne connais pas. Lui et moi semblons seuls au monde. Le monde est absent, il semble en voyage. Au sommet de l'arbre, il siffle de tout son corps. Son corps est léger. Il ondule au rythme du vent sur la branche. Le banc est fixé sur des cailloux blancs. Lui et moi semblons seuls au monde. Le monde est à nous.